20, 10, activation orale, attendre, passé composé. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. 1. C'est parti? Et vous répondez. Non, j'ai attendu. À vous. 2. Vous êtes parti, vous deux? Non, nous avons attendu. 3. Il est parti? Non, il a attendu. 4. Elles sont parties? Non, elles ont attendu. 5. Tu es parti, toi? Non, j'ai attendu.